C'est lui qui regarde et c'est moi qui paie. Voilà, voilà, voilà, voilà, tout est prêt. Hein? Mon cher maître. Mais comment, vous voilà revenu? Oh. Apparemment, puisque je suis ici. Mais il était convenu. Rien d'écrit. Et votre parole? Je la reprends. Non, pardon, mon cher Hoffmann, une petite affaire à terminer. 500 ducats et je vous tiens quitte. Oh, encore? Hein? Aimez-vous mieux bardager? Mais Olympia est ma fille, enfin. Eh là, messieurs! Mais je vous les ai payés! Misérablement! Oh! Oh, mais j'y pense. Eh bien, soit! Mais comme je n'ai pas d'argent, vous voudrez bien prendre ce billet sur le juif Elias. Elias? Elias. Oui! C'est d'une maison solide! Ah, mais cette fois, vous me signerez une renonciation entière à tous les droits paternels, y compris les yeux! Rien de plus juste. Donnez. Donnant. Donnant. À propos, savez-vous une idée qui me vient? Et quelle donc? Vous devriez marier Olympia. Oh, mais c'est une très bonne idée. Demandez à Z imbécile qui vient de s'en dire. Mmh. Il en est amoureux fou. Quel nigo. Sécheur. Oh oui. Sécheur. Allons, je vous laisse à votre petite fête. C'est ça. Au revoir. Allez, va, mon ami, va te faire payer chez le juif Elias. Monsieur. Oui, je suis là. Voilà vos pots. Mais quoi? Invités. Mes invités. Ah, mes invités, mais introduis-les.